The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To take. Prendre. Diet. Le régime. To see. Consulter. Dietitian. Le diététicien. Eating habits. L'alimentation. Exercise bike. Le vélo d'appartement. To allow. Permettre. To sign up. S'inscrire. Sports club. Le club de sport. To realize. Se rendre compte de. Calorie. La calorie. Pétanque. La pétanque. Hardy. Copieux. Feast. Le festin. Lately. Ces derniers temps. Obesity. L'obésité. Now, a bit faster. Obesity. L'obésité. To see. Consulter. Pétanque. La pétanque. To sign up. S'inscrire. Feast. Le festin. Hardy. Copieux. Obesity. L'obésité. Exercise bike. Le vélo d'appartement. To realize. Se rendre compte de. To allow. Permettre. Dietitian. Le diététicien. Exercise bike. Le vélo d'appartement. Diet. Le régime. Obesity. L'obésité. Eating habits. L'alimentation. To take. Prendre. To see. Consulter. Feast. Le festin. Sports club. Le club de sport. Calorie. La calorie. To sign up. S'inscrire. Obesity. L'obésité. Calorie. La calorie. Pétanque. La pétanque. To see. Consulter. To realize. Se rendre compte de. To take. Prendre. To sign up. S'inscrire. Calorie. La calorie. Hardy. Copieux. Diet. Le régime. To realize. Se rendre compte de. Lately. Ces derniers temps. Feast. Le festin. Now, use the words in context. Prendre. What got into him to do such a thing? Qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Permettre. If I let him come, I expect him to conduct himself impeccably. Si je permets qu'il vienne, j'attends de lui qu'il ait une conduite irréprochable. La calorie. There are maybe too many calories in this dish. It's not very healthy for children. Il y a peut-être trop de calories dans ce plat. Ce n'est pas très sain pour des enfants. Copieux. I have really good childhood memories of hearty meals with my family. Les repas copieux en famille de mon enfance sont vraiment de bons souvenirs. Ces derniers temps. Our relationship is complicated, but she has been making a lot of effort recently. Notre relation est compliquée, mais elle a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Permettre. If I let him come, I expect him to conduct himself impeccably.